actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1962, deuxième émission. 1962, la manifestation de Charonne, l'annonce des accords d'Évian, mais aussi Interville, un grand rendez-vous de télévision. Autre rendez-vous incontournable, comme on ne disait peut-être pas à l'époque, tant mieux, rendez-vous plus intellectuel et parfois terrorisant, un rendez-vous sur le papier, la chronique théâtrale du Figaro, signée Jean-Jacques Gauthier. Parfois terrorisant parce que les auteurs, les metteurs en scène, les comédiens se précipitaient sur les pages spectacle pour voir s'ils avaient été assassinés. Voici Jean-Jacques Gauthier dans Compartiment réservé, le 15 mai 1962. Archives INA, comme toutes les autres archives, qui racontent aujourd'hui l'année 1962. À la radio, Jean-Jacques Gauthier ne paraît pas si méchant. Veuillez écouter Compartiment réservé, une émission de Pierre Lost avec aujourd'hui Jean-Jacques Gauthier, Jean Sénep et O.P. Gilbert. L'Actuel est une nouvelle collection éditée par Flammarion et dirigée par Louis-Gabriel Robinet. L'Actuel publie ces jours-ci deux fauteuils d'orchestre pour Jean-Jacques Gauthier et Jean Sénep. Jean-Jacques Gauthier, votre livre traite les instants les plus significatifs du théâtre dans les 10 dernières années. Oui, nous avons essayé, Sénep et moi, de choisir, dans tout ce que nous avions vu, les pièces les plus caractéristiques, celle qui avait laissé un souvenir au public, et tantôt ça a été des articles favorables ou des dessins favorables, tantôt des dessins sévères ou des articles sévères, et puis nous nous sommes efforcés aussi de donner une proportion entre l'extrême sévérité et l'extrême indulgence, bref, de donner le reflet de ce qu'avaient été nos critiques dramatiques à Sénep et à moi depuis une dizaine d'années. Vous avez en effet la réputation, Jean-Jacques Gauthier, d'être un critique particulièrement sévère. Mais il ressort à la lecture de votre livre que vous avez aussi écrit des quantités d'articles enthousiastes. Et pour preuve, je voudrais citer les dernières lignes que vous avez consacrées à Living Room de Graham Greene. Vous dites « Si je ne vous ai pas donné envie d'aller voir la pièce, c'est à désespérer du pouvoir des mots. » Pourtant, j'ai multiplié les preuves d'intérêt et vidé le placard aux compliments. Si mon imagination m'en soufflait de nouveau, je n'aurais aucun scrupule à les ajouter aux précédents. On ne peut vraiment pas être... Qu'en pensez-vous, cher Sénep ? Mais tout à fait, d'accord. En effet. Est-ce que lorsque vous allez voir une pièce, vous allez le même soir, le même jour ? C'est-à-dire que nous allons, Gauthier et moi, en général. Alors nous nous trouvons le même soir, nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, placés l'un sur les genoux de l'autre, pas du tout. Jean-Jacques Gauthier, quel est à votre avis le rôle et l'utilité du critique ? Je ne sais pas s'il a une utilité, mais selon moi, ce qu'il doit faire, c'est ceci. Il doit aller voir une pièce. Il a la chance d'être le premier spectateur à pouvoir se rendre dans un théâtre où l'on donne un nouveau spectacle. Il doit dire si cela lui plaît ou si cela ne lui plaît pas et expliquer clairement dans un langage intelligible à tous ses lecteurs pourquoi il aime ou pourquoi il déteste. À partir de ce moment-là, il a rempli sa fonction. C'est au lecteur, à la longue, ayant appris à connaître son critique, c'est au lecteur de savoir si ce critique a le même tempérament que lui et s'il doit ou suivre l'avis du critique, ou au contraire, prendre le contre-pied de l'avis de ce critique. Ainsi, Sénèbre pourrait vous le dire, il y a sur notre bureau au Figaro deux paquets de lettres. Il y en a un dans lequel on nous dit « Monsieur, je vais voir toutes les pièces que vous recommandez, je suis très content ». Mais il y a aussi un autre paquet de lettres qui dit « Monsieur, je vais voir toutes les pièces dont vous dites du mal et je suis très satisfait ». Ce qui semblerait prouver que tout le monde est content, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, voilà à peu près comment ça se passe. Mais vous avez une critique qui, elle, amène des quantités de gens au théâtre. Votre critique est très importante, très influente. Vous pouvez lancer, et vous l'avez prouvé plusieurs fois, vous lancez une pièce. Et quelquefois, vous pouvez faire beaucoup de mal également à une pièce. Vous devez, par conséquent, avoir, puisque vous dites avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté ce que vous pensez, vous devez avoir des quantités d'ennemis, ça doit être terrible. Mais, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons pas que des amis. Et ce qui est beaucoup plus grave que de n'avoir pas que des amis, c'est que nous risquons de perdre les amis que nous avons. En ne disant pas d'eux tout le bien, ou qu'ils en pensent eux-mêmes, ou encore qu'ils voudraient que nous en pensions. Et que l'on en pensât en général. Mais cela, ce sont les dangers du métier, ce sont les risques du métier. Il est certain que nous y perdons parfois beaucoup de camaraderie et que nous sommes les premiers à le regretter. Quel plaisir de parler enfin d'un film que le cœur des critiques, moins une seule voix, celle de Marc Abru dans Combat, s'est accordé à trouver exceptionnel, rabelaisien et irrésistible. Pergaud eût aimé le film d'Yves Robert, ce western psychologique, irrespectueusement brossé avec la palette d'un tendre, écrit l'Humanité. Rien de comparable depuis Le Kid ou depuis Le Gosse du voleur de bicyclette, selon Libération. Une sorte de miracle qui mérite même l'audience des adultes réfractaires ou réticents devant les histoires de gosses, affirme Le Figaro. Yves Robert et Daniel Delorme, les producteurs de ce film, avaient d'ailleurs transformé leur maison de campagne en véritable colonie de vacances. Et les enfants anonymes qui jouent la guerre des boutons y ont gagné un naturel et une vivacité qu'on trouve très rarement dans les films français et dont vous allez entendre quelques échantillons. Voici l'instituteur Pierre Trabeau et un de ses élèves, Petit Gibus, que les grands ont envoyé se renseigner auprès du maître sur un sujet un peu scabreux. Monsieur, il y a combien de gros mots qui commencent par « c'est » ? C'est à moi que tu demandes ça? Je connais pas de gros mots, moi. Oh, Edith, le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est? Ça, on sait ce que c'est, puisque tout le monde en a. Mais molle, pourquoi molle? Pourquoi comment, on s'en fout? Ce qu'il faut savoir, c'est si c'est une grosse insulte. Même le mec, il sait pas qu'est-ce que c'est. Idiot, t'as été lui raconter ça, toi? Ouais, mais j'y pendis en face. Hé, pas con, le Tigibus. Dans ce film, nous dit Jandert de Libération, on ne dit pas de grandes phrases qui sonneraient faux, mais on dit parfois des gros mots qui sonnent justes. Écoutez les écoliers de Longeverne appliquer un supplice de leur invention à un écolier du village voisin qu'ils ont fait prisonnier. C'est vrai que vous torturez les prisonniers? Et t'as encore rien vu? Camus, passe ton couteau. Qu'est-ce que tu vas me faire? Allez, reculez, vous autres! Faut que tout le monde voit! Alors, les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe? Les oreilles! La langue! Le tarot! Pili-vili! Si tu me touches, je le dirai au curé, puis au maire du pays! Faut que Zévi, que tu lui diras, t'as un peu de langue! Ni zizi! Alors, les gars, on commence par le haut? Ouais! Les oreilles d'abord, tenez-le bien! Oh non! Non, non, fais pas ça, le break! Non, non! Trouilleur! C'est le dos du couteau, t'as pas honte? Ils sont tous comme ça dans ton bled. Ça gêne même pas. On aurait le foutre dans une grotte qu'on irait péter chacun son tour, ça fait une chambre à gars. Ouais. Et maintenant, on passe aux choses. Non, non, non. Aux choses sérieuses. Tes oreilles, ton tarin, ton zizi, j'en ai rien à faire. Y'a qu'une chose qui compte chez l'homme. C'est l'honneur. Et je t'ai appris de croire que dans 5 minutes, tu seras pas fier. Oh non! Oh non, non, non, la braque! Fais pas ça! Dans ce monde enfantin où l'échelle des valeurs des adultes n'a pas cours, le chef des Longeverne, le Braque, a eu cette idée géniale d'enlever aux vaincus tous leurs lacets, boutons et bretelles. C'est comme une dégradation militaire, et le déshonneur leur semble aussi lourd à porter. Ah oui, quoi. C'est à cette heure-là que je rentre. Mais d'où que tu viens? Je te demande d'où que tu viens. C'est bon, boutonne ta veste puis ta chemise. T'appelles ça boutonner, toi? Touche pas, t'abîmes toujours tout avec tes grosses pattes. Pourquoi ça m'a resté dans la main, c'est pas vrai? Oh, comme l'assiette de ce matin puis la chaise d'hier. Puisque je te dis que je le fais pas exprès, c'est trop de force, puis de la touche. Mais fais-moi toujours un raccommodé à rafistoler, c'est pas une vie quand même. Oh, puis vous engueulez pas, quoi, il était déchirant avant. Puis je vous préviens, hein, j'ai aussi bousillé mes boutonnières. Ces boutonnières? D'ailleurs, ça ne servait plus à rien, j'ai plus de boutons non plus. Cré bon Dieu de vin, Dieu de bon Dieu de cochon. Comment tu t'es foutu dans un état pareil, dis? Je dis rien. Espèce de tête de mule! Dis-moi, tu parlais, dis! On fait pas tant d'histoire, quoi. Je sais bien que je mérite une trempe, alors vas-y, puis ce sera marre. Et il le demande! Il le demande! Ça, là! Oh, tabouret! Tabouret, à présent! Alors la chemise, les boutons, les boutonnières, et maintenant le tabouret! Tu nous prends pour qui, hein? Pour le Rothschild? Ou les Crésus? Espèce de petit salope de prisage, je vais te faire passer le coup du sel, tu sais! Non! Avoir un peu mon famille! Il dit seulement qu'on l'enverra tout nu à l'école demain pour y apprendre. Tiens-toi, c'est quand même pas un homme. Pour éviter ce déshonneur, le Braque un jour aura une idée. La bande se constituera un trésor de boutons, de fils, d'aiguilles et se construira une cabane dans les bois pour l'abriter. Les Longevernes pourront ainsi éviter les raclés qui les attendent à la maison quand ils rentrent en tenant leurs pantalons à deux mains. C'est pas une bonne idée ça les gars? Tu parles? Comme ça, on pourrait se monter un trésor de boutons glacés. Puis un gars pour le garder les faire de bagarre, hein. Alors c'est plus une cage, c'est une niche qu'il faut. Ou une cabane, on dit, une cabane avec des branches. Et puis des planches et puis des clous. Une cabane pour nous tous, ou qu'on dirait une merde à tout le monde. Hé, le bras, viens. Approche un peu si t'es pas à l'âge. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Comment tu veux qu'il en trouve, moi, les normales par semaine? Oh, dis, tu feras comme tout le monde, hein. Puisqu'on a dit qu'on est en République, on est tous égaux. Moi, je connais qu'un truc, égalité, fraternité. Mais pour acheter des boutons, il faut de l'argent. Et pour avoir des sous, il faut faire des affaires, comme dit la chanson. Ou bien il faut établir un impôt. Et c'est ici que le chef de bande, le Braque, va se heurter au problème que pose la démocratie et qu'il n'imaginait pas si complexe. Ça, c'est vrai, moi, je pourrais pas payer non plus. Puis moi non plus. Alors si c'est comme ça, il n'y a plus moyen de faire l'égalité, fraternité. Si on a qui paye d'autre part, c'est plus la République, c'est la royauté. Puis moi, les rois, je les guillotine. Nous aussi, on les guillotine, les rois, mais l'égalité, c'est facile à dire, mais... L'égalité, c'est quand personne paye d'abord. C'est pas vrai, c'est quand tout le monde paye pareil. Et les pauvres, alors? Tu fais honte aux pauvres, le Braque. C'est pas républicain, ça. Enfin, la crique, c'est quoi l'égalité? L'égalité, c'est quand tout le monde a pareil. Ah, oh, tu vois? Alors nous, c'est pas l'égalité? Bah... Puisqu'il y en a comprendront. Bon, on va voir ça. Ceux qui peuvent payer autour de moi, ceux qui peuvent pas autour de Tigibus. Allez, toi. Bon, là ce que je propose, puisque c'est comme ça. Moi, je crois que les sous qu'on a dans notre poche, ça ne va pas compter. C'est pas des sous pour la bande, ça. C'est des sous pour la vie ordinaire, quoi. Les sous, ceux qu'on planquera dans notre cabane. Quelle cabane? Toi, je t'expliquerai. Les sous à nous. Notre trésor. Il faudra que ce soit à tout le monde et qu'on l'ait gagné nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il l'égalité, la crique? Oui, comme ça, ce sera l'égalité. Eh ben, je le savais bien, les gars, qu'on y arriverait. Oui, mais comment qu'on fera pour gagner des sous nous-mêmes? Il y a qu'à cueillir des champignons. Eh ben voilà, il y a qu'à cueillir des champignons. Puis des croissants, puis des grenouilles, puis des vipères. Il est pour moi 10 balles pièces à la mairie. Et puis des renards, mais ça, ce sera un coup de peau. Comment ils s'appellent, renards? Oh, la crique, tu t'en coupes pas de tout savoir le prix des champignons, des renards, des. Enfin, de tout, quoi. Et y'en aura pour tout le monde, chacun son boulot. C'est ça l'égalité. Je ne peux malheureusement pas vous en faire entendre davantage, encore moins vous montrer la bataille engagée par ceux de Vélerance, tout nus, pour éviter qu'on leur coupe leurs boutons, ni la colère des parents des deux villages, représentés d'une manière réjouissante par Jacques Dufilot, Michel Galabru, Pierre Tchernia ou Jean Richard. Allez voir la guerre des boutons si vous voulez découvrir la tête de ces gosses qui disent si juste et avec tant de spontanéité. Je vous répète donc le conseil de Jean de Baroncelli dans Le Monde. Si vous êtes là de la noirceur, des supermen historiques ou non, des garçons névrosés ou des filles folles de leur corps, allez faire un tour du côté de Longevernes ou de Vélerance, vous ne le regretterez pas. et tous mes tourments, moi je te pardonne. Et si tu voulais, un jour de l'automne, tu me reviendrais. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour. Et moi, pauvre diable, je l'aime toujours. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant mamie. Par un soir d'automne, elle est arrivée. Elle m'a dit pardonne, et j'ai pardonné. Mais malgré moi-même, tout au fond de moi était née la haine qui dictait sa loi. Et devant ma porte, son regard caressant le mien, là mon âme est morte dans le creux de ma main. France Culture, les années 60, 1962. Le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann est enlevé en 1960, en pleine rue de Buenos Aires, par les services secrets israéliens. Son procès s'ouvre en 1961. Condamné à mort, Eichmann est exécuté le 1er juin 1962. L'émission Édition spéciale, à l'occasion de la parution du livre de Léon Welt, revient sur ce procès auquel avait assisté Frédéric Potcher. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Ta Adolf, Nonchel Adolf Karl Eichmann. Again. Jawohl. I am one of the few survivors of the Death Brigade, and what I saw and lived through is told in this book. Ce que vient de dire notre ami Léon Wells est « Je suis un des rares survivants des brigades de la mort » et ce que je raconte dans mon livre, je l'ai vu et je l'ai vécu. Pour que la Terre se souvienne, une émission de Yvon Souris, Jacques Legris et Frédéric Potcher à propos du livre de Léon Velitzker-Wells. Frédéric Potcher, vous avez connu Léon Velitzker-Wells au procès Eichmann. Eh bien oui, quand je suis arrivé à Jérusalem, nous avons appris, c'est-à-dire que les 550 journalistes présents ont appris qu'il y avait une centaine de témoins. Parmi ces 100 témoins, il s'en trouvait qui appartenaient à tous les pays qui avaient été opprimés par la Wehrmacht et par les nazis. Naturellement, le plus grand nombre de témoins étaient originaires de Pologne, de Lituanie et d'Ukraine. Wells, Léon Velitzker-Wells, a donc parlé pendant environ 4 heures devant les juges de Jérusalem et en face de Eichmann. Il a parlé pendant 4 heures de ce qu'il avait vécu. Il faut savoir que Wells avait 18 ans lorsque les Allemands sont arrivés dans sa ville. Il n'a pas vu disparaître exactement, mais on peut dire qu'environ 72 personnes de sa famille sont mortes du fait des nazis. Ce garçon qui avait 18 ans et qui avait été élevé dans un milieu profondément religieux, d'une famille extrêmement honorable, a donc été obligé de se sauver. Il a fui les Allemands. Et ce qu'il raconte, son arrestation, sa vie dans un camp de déportés comme beaucoup de déportés français en ont connu, et puis sa vie dans des petits camps de déportés. Vous savez qu'il y avait environ 600 camps, des petits camps qui se trouvaient en Pologne. Alors là, ça devient tout à fait particulier. Et puis, il arrive cette aventure extraordinaire qui fait que Wells devient un des hommes d'un de ces commandos de la mort. Les commandos de la mort, je crois qu'il en reste, il reste à peu près une centaine de survivants de ces commandos de la mort. Ce ne sont pas des cas, on ne connaît pas d'autres, moi je ne connais pas d'autres survivants des commandos de la mort que Wells. C'est pour cela que son récit a un intérêt absolument particulier. C'est pas seulement une expérience humaine, on se demande comment une peau d'homme, comment un corps humain a pu résister à de pareilles pressions, à de pareilles horreurs, aussi bien psychologiques que psychiques. Je ne parle pas de la condition physique, car à partir du moment où un homme entrait dans un commando de la mort, dans une brigade de la mort, les nazis le nourrissaient. Mais évidemment, il était exposé lui-même à être liquidé d'un coup de revolver. Au moment de la déposition de Velisker Vels, au moment du récit de toutes les atrocités qu'il a subies et dont certains ne sont pas revenus, quelle a été la réaction d'Eichmann ? La réaction d'Eichmann, mais il n'avait pas de réaction. Je vais vous donner un petit fait qui va vous montrer qu'il n'avait aucune réaction. C'est que pendant que se déroulaient ces audiences, eh bien, Eichmann était un fonctionnaire méthodique, ce que chacun sait. Il prenait des notes avec un crayon rouge ou un crayon bleu. Il classait ses petits papiers. Il n'était peut-être pas tout à fait d'accord avec le témoin sur un détail, sur une notation, sur un chiffre. Et il corrigeait avec un certain mécontentement. Il avait l'air de reprocher au témoin de s'être trompé. Mais il y a un détail qui vous dira qui est Eichmann. C'est que Eichmann couchait au-dessus du prétoire, dans une petite chambre qui lui avait été aménagée spécialement. Il y était fort bien traité, il y était fort bien nourri, et un de ses gardiens, qui était un Marocain, parlant très bien le français, m'a dit, parce que je l'interrogeais en lui disant, écoutez, ce Eichmann est quelque chose, moi je n'ai jamais vu un homme comme ça, expliquez-moi un peu comment il vit. Alors ce gardien me l'a expliqué, et je lui ai dit, mais après les audiences, quand il remonte dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait ? Oh ben, m'a dit ce gardien, vous savez, il se repose, il se couche sur son lit, et puis quelquefois, il se met à lire. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il lit pendant le procès, en ce moment-là, pendant que Wells raconte ce que vous savez, et qu'est-ce qu'il va lire ce soir ? Alors le gardien m'a répondu, mais il est en train de lire Lolita. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1962. Le Matin des magiciens de Louis Powells et Jacques Bergier fut l'un des grands succès de l'édition en 1961. En 1962, les deux complices qui entre-temps ont créé la revue Planète sont les invités de Michel Pollack. Écoutez Bergier et son accent indéfinissable. Pour visualiser l'homme, si vous êtes tintinophile, pensez à Esdat Ditoff, personnage croqué beaucoup plus tard par Hergé dans Vol 714 pour Sydney. Que pensent de l'évolution du monde messieurs Powells et Bergier ? Michel Pollack est allé le leur demander. Jacques Bergier et Louis Powells, vous êtes les créateurs de la revue Planète. Je crois qu'on pourrait, dans un certain sens, donner comme sous-titre à votre revue le titre de cette émission, c'est-à-dire l'actualité du passé. Qu'en pensez-vous, Louis Powells ? Accepteriez-vous ? Oh oui, à condition qu'il y ait aussi une actualité de l'avenir. Nous sommes à la fois orientés vers une recherche neuve dans le domaine du passé, mais aussi dans une vision prospective. Les deux sont liés. Pour atteindre l'avenir, il faut reculer une distance comparable dans le passé. C'est une espèce de loi d'action et de réaction. Jusqu'à présent, les civilisations n'ont guère vécu que dans le présent. Avec les techniques modernes appliquées à l'archéologie, carbone 14, sondes photoélectriques de l'héritier, ainsi de suite, on commence aussi, grâce aux méthodes de l'avenir, à atteindre le passé. Nous ne sommes pas dans le domaine du fantastique pur, nous sommes dans le domaine des réalités fantastiques. Mais vous ne refusez pas, a priori, par exemple, de croire aux fantômes. Je crois que ce serait le contraire de votre démarche. Moi, je n'y crois absolument pas. Oui. Il n'y a pas de fantômes. Mais pourtant, il n'y a pas aucune preuve contre que l'on puisse avancer aussi facilement, il me semble. Oui, mais il n'y a pas de preuve pour. De toute façon, une autre, il n'y a pas de preuve contre. Si vous voulez, je ne peux pas vous démontrer que la foudre n'est pas la colère des œufs. C'est que je peux vous dire que tant que vous pensez que la foudre et la colère des œufs, vous n'aboutissez à rien, à partir du moment où vous pensez que la foudre est un mouvement d'électrons, vous aboutissez à quelque chose. Et c'est ça la démarche du réalisme fantastique. Zeus est du fantastique pur, l'électron est du réalisme fantastique. Messieurs Powells et Bergier centralisent les recherches de ceux qui s'intéressent dans notre monde pratique au mystère et à la magie. Prenons par exemple l'île de Pâques, un des grands mystères du passé de l'humanité, encore sensible de nos jours. Dans cette petite île du Pacifique, on trouve des statues qui pèsent plusieurs centaines de tonnes, taillées d'une seule pièce. Ces statues ont été étudiées par des savants qui ont découvert qu'elles remontaient à plusieurs millénaires, comme d'autre part, on ne trouve pas dans le sol de l'île de pierres semblables à celles des statues. On en déduit que ces statues ont été amenées là par des hommes dont la civilisation nous est absolument inconnue, ce qui permet tous les rêves, puisqu'on a été jusqu'à imaginer qu'il s'agissait d'une race de géants. Mais combien n'y a-t-il pas d'autres sujets d'étonnement sur notre planète que nous croyons si bien connaître ? Nous pensons que l'homme n'est pas devenu intelligent au XIXe siècle, qu'il y a eu de grands génies et même de grandes civilisations extrêmement puissantes dans le passé, que ces civilisations se sont détruites comme nous allons peut-être le faire nous-mêmes avec l'énergie nucléaire, et qu'il est intéressant d'en trouver des vestiges. Nous intéressons à l'île de Pâques, et à ce propos, nous essayons d'aider Francis Mazière, vous savez, l'explorateur de l'Amazonie, à faire une expédition réellement scientifique pour l'île de Pâques, avant d'ailleurs qu'en disparaissent les traces, puisque les Américains doivent installer dans l'île de Pâques une base de missiles d'ici quelques années. Et nous voudrions qu'une analyse scientifique complète soit faite de l'île de Pâques, puisqu'il s'agit d'une des plus grandes énigmes du passé de l'humanité. Mais nous nous intéressons à ce passé dans la mesure où nous pouvons très sérieusement l'étudier. Et en outre, où nous pouvons formuler des interrogations, comme celles que vous exprimez, Bergier, sur le passé de l'intelligence de l'humanité et de sa connaissance. N'oubliez pas que le décryptage des tablettes de l'île de Pâques n'a pas été fait, que d'autre part il existe, je crois, plus de 300 statues sur cette île de Pâques, que ces statues sont encore enterrées, qui ne passent que les têtes. On n'a pas fait de datage au radiocarbone, on n'a pas sondé la mer autour de l'île de Pâques, on n'a pas découvert le langage pascuan, on ne sait encore rien. Il y a eu, je crois, 3 expéditions jusqu'ici dans l'histoire de l'île de Pâques, mais qui n'ont pas été des expéditions scientifiques, qui ont été des expéditions archéologiques, ou dans le domaine du pittoresque. Il n'y a pas, on n'y a aucune sorte de certitude sur les raisons de la présence de ces statues en île de Pâques. Mais enfin, vous savez, il y a encore beaucoup d'autres énigmes dans le domaine de l'archéologie. Je voudrais, pour élargir notre conversation, que vous nous expliquiez un peu le contexte philosophique de vos recherches et de votre curiosité. Nous pensons, si vous voulez, que l'homme n'est pas terminé, que l'homme n'est pas une chose terminée, qui est une chose en progression et en développement, et que tous les pouvoirs de l'homme n'ont pas été sondés et pousser. Si vous voulez, notre solution philosophique, c'est une solution optimiste. Nous nous refusons à considérer la condition humaine comme absurde et fermée, nous la croyons ouverte, et nous croyons que l'avenir n'est pas terminé. À notre connaissance, nulle base de missiles n'a été installée sur l'île de Pâques, mais qui sait ? Et puis, si l'avenir n'était pas terminé en 1962, il ne doit guère l'être plus aujourd'hui. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, moi ne sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. France Culture, les années 60, 1962. La guerre d'Algérie est finie, on le sait, mais quelques mois après le référendum sur les accords d'Évian et quelques semaines après la reconnaissance officielle de l'indépendance de l'Algérie, c'est l'attentat du Petit Clamart. Récit radiophonique. Inter, actualité. Au micro Jean Piazza. Les tueurs frappent à l'heure du dîner. Ils ratent, mais c'est miracle. C'est le premier titre de ce journal du matin. C'est le titre que vous retrouverez, à quelques variantes près, à la une de tous les journaux. Je ne pense pas qu'il se trouve beaucoup d'auditeurs pour ignorer encore à cette heure-ci l'événement. Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat. Le précédent remonte, vous vous en souvenez sans doute, à septembre dernier. Il avait eu lieu à Pont-sur-Seine. On avait alors tenté de faire sauter à l'explosif la voiture du président. Et les auteurs, Belvisy et consorts, doivent précisément être jugés mercredi prochain à Troyes. Hier soir, c'est à l'arme automatique que l'on a tiré sur la voiture, sur le cortège présidentiel. Vous avez noté, je pense, une première chose devant laquelle on reste confondu. C'est la chance véritablement extraordinaire qui a voulu que personne ne soit touché. Aucune des quatre personnes qui occupaient le véhicule, ni le président, ni Madame de Gaulle, ni le colonel de Boissieu, ni le chauffeur qui était au volant. Seul blessé au doigt et légèrement, un automobiliste qui passait juste à ce moment-là au volant d'une Dinapoir. Depuis le moment où a été connu l'attentat, puis avant 21h hier soir, policiers et journalistes n'ont guère chômé, comme vous l'imaginez. Nos reporters étaient très vite sur les lieux, sur la route à 4 km environ de Villacoublay, puisque c'est là, alors que le président gagnait l'aérodrome pour rentrer à Colombey, que l'attentat a été commis. Nos reporters, donc, Tommy Franklin et Daniel Pouget, nous transmettaient par la voiture émetteur les premiers éléments que vous avez pu entendre dans nos émissions de la soirée, dès 21h15. Voici quelques fragments de reportage, quelques témoignages recueillis peu de temps après l'attentat. Ici le Petit Clamart, où d'importantes forces de police et de gendarmerie sont toujours en place sur les lieux de l'attentat manqué contre le général de Gaulle. Je suis devant la Dinapoir dont le conducteur a été légèrement blessé et qui s'en est tiré à bon compte, relativement, puisqu'une des balles qui a touché la voiture a pénétré sous le pare-brise et face au volant. En retraversant la route, contre la haie bordant le trottoir, se trouve le point où le gros des rafales a touché le sol. Et ce point, naturellement, est gardé par les forces de l'ordre. Un peu plus bas, à 150 mètres environ, se trouve le magasin de poste récepteur radio et télévision, dont la vitrine a été touchée par 12 balles. Touchée, je devrais dire transpercée. Il y a deux gros trous, la porte est d'ailleurs fendue, un poste récepteur de télévision est éclaté. J'ai à côté de moi le propriétaire, mais qui n'était pas là quand ça s'est produit, je crois, monsieur. Non, je n'étais pas là. Autrement dit, vous avez failli y être, je crois. Normalement, je devrais y être. À cette heure-là, je devrais y être. Mais j'ai dû m'absenter... juste à ce moment-là, et j'étais absent. Lorsque le convoi s'est engagé sur cette route à destination de Villacoublay, d'une estafette portière ouverte, plusieurs rafales de mitraillettes ont été tirées contre la voiture qui transportait le président de la République. À cet instant, le convoi a accéléré pour tenter de gagner l'aérodrome de Villacoublay. À cet instant, d'une DS-19 arrêtée un peu plus loin, d'autres rafales de mitraillettes sont parties. La voiture estafette a été retrouvée il y a quelques instants, à quelques centaines de mètres des lieux de l'attentat. Les policiers ont découvert dans l'estafette deux fusils mitrailleurs, des fusées blanches, puis dans le fond de la malle, un kilo de plastique allumé, mais la mèche n'est pas partie. En 1962, toujours, comme chaque année civile, il y a les événements ponctuels et spectaculaires, et les faits qui, peut-être, passent plus inaperçus, mais dont l'influence sera durable. 1962, c'est ainsi l'année de Vatican II. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Vatican II, une série d'enquêtes de Pierre Delagarde. Neuvième émission, l'Église est-elle contre le progrès ? Dans nos deux précédentes émissions, nous avons abordé les questions que se pose le grand public sur l'Église. Ces problèmes de l'homme de la rue sont-ils connus, ressentis par les pères du Concile ? Eh bien, pour le savoir, nous sommes allés par deux fois voir Mgr Lallier, archevêque de Marseille. Il nous a répondu avec compréhension et franchise. Nous sommes allés le voir une troisième fois pour lui poser un autre problème, celui-là qui intéresse surtout les non-croyants. Est-ce que l'Église est pour ou contre le progrès, et en particulier le progrès scientifique ? Les gens pensent que l'Église est en retrait, qu'elle a peur du monde moderne et en particulier des découvertes scientifiques. Dans le passé, c'est vrai. On se souvient de Galilée, on se souvient de certaines réactions des hommes d'Église en face de découvertes scientifiques qui leur semblaient difficilement compatibles avec la lettre même de la Bible. Mais je crois que ce temps-là est dépassé, que le nombre de prêtres qui sont par exemple à la recherche scientifique, que l'intérêt porté par l'Église à toutes les découvertes de la science prouve bien qu'elle ne craint rien d'elle. Elle est heureuse de tous les progrès de l'homme qui répondent au fond à ce désir de Dieu exprimé au début de la Bible. Il faut dominer le monde, il faut en tirer toutes les forces vives qui s'y trouvent pour les mettre au service de l'humanité tout entière. Je crois sincèrement, pas seulement par fidélité à l'Église, mais par conviction personnelle, qu'il n'y a et qu'il n'y aura jamais aucune incompatibilité, aucune opposition radicale entre la science et la foi. On pense généralement que l'Église attend uniquement la fin du monde, qu'elle est donc contre l'aménagement de ce monde et contre le progrès. Il me semble que je viens déjà de vous répondre à ce propos-là. C'est vrai que pour l'Église, il n'y a rien de plus grand que le retour du Christ. Saint Paul parle de ceux qui aiment, qui désirent ce retour. Mais il est également, Saint Paul, contre ceux qui s'endorment, qui ne font rien, qui risquent de se trouver à l'heure du Christ les mains vides. En réalité, tout le message biblique, Ancien et Nouveau Testament, sont sur ce point d'accord, consiste à préparer cette mise en place divine de toutes choses par un travail qui rende le monde plus habitable et les hommes plus unis. Si un cosmonaute découvre sur une autre planète des êtres vivants, est-ce que toute la religion est remise en cause ? Absolument pas. La Bible ne concerne que les hommes vivant sur Terre. Si la science nous prouve et si les découvertes futures nous montrent que des hommes habitent sur d'autres planètes, il faudra étudier le problème de leur existence et de leur destin, mais je ne vois pas en quoi cela remettrait en cause l'histoire des hommes vivant, l'histoire humaine et religieuse de ceux qui, depuis des siècles et des milliers d'années sans doute, vivent sur Terre. Certains pensent que la religion correspond à un âge mental de l'humanité et que de croire en Dieu à notre époque maintient dans un état d'infantilisme. On ne se pose pas de problèmes, on ne se pose pas de questions. C'est possible, mais c'est tout le contraire de ce que désire un chrétien authentique, et en particulier Saint Paul, qui désirait que nous donnions à Dieu justement une adhésion et une sorte d'hommage véritablement raisonnable. Ce que vous dites n'est pas vrai, au contraire. Dans la perspective qui est celle de toute la Bible, d'une découverte personnelle, guidée par Dieu, de la réalité de son existence, de sa présence au monde, du souci qu'il porte à tous les hommes et à chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas seulement les réponses de l'Église face aux problèmes scientifiques qui se posent au monde moderne. Il y a aussi ceux qui concernent la morale. Là encore, l'Église est-elle, oui ou non, une institution dépassée? Les gens ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous le savez? Ah, je crois que je le sais. Au début de l'Église, vous savez que les prêtres étaient mariés. C'est assez significatif que, petit à petit, en prenant conscience des exigences de leur sacerdoce, ils ont eux-mêmes, d'une certaine façon, désiré ne pas se marier. Tout simplement parce que le prêtre est un autre Christ, et que le Christ a été tout entier donné à son Père et aux hommes. Nous imaginerions mal, je pense, que le Christ ait eu besoin pour accomplir son destin d'un autre amour que de l'amour de Dieu. Eh bien, ce n'est pas pour avoir plus de temps et pour être plus libre que nous ne sommes pas mariés. C'est parce que la pensée du Christ et son amour et le désir de lui ressembler parfaitement font que tout notre cœur est véritablement dans notre tâche, dans notre service de l'Église et dans notre service des hommes. Passe encore pour vous, mais les gens vous reprochent de ne pas comprendre leurs difficultés, en particulier sur le plan de la morale conjugale. Je le sais bien. Et pourtant, il suffit de confesser, ce qui est le fait de tous les prêtres, pour savoir que ces difficultés sont énormes. Je me rappelle telle jeune femme attendant avec angoisse l'éventualité d'une quatrième ou d'une cinquième naissance, alors qu'elle se trouve dans un état de fatigue et que les aînés ne cessent de lui donner plus de travail. Je pense à telle de mes anciens étudiants qui, n'arrivant pas à être fidèle à l'Église, voulait faire chambre à part avec sa femme. Et bien sûr, je l'en ai empêché, car l'Église est extrêmement maternelle et compréhensive des difficultés. Seulement, elle voudrait rappeler avec force que ceux qui s'engagent sur ce chemin de la loi naturelle, en définitive, du respect de la vie humaine, découvrent tout à coup que l'Église n'a pas voulu porter atteinte à leur amour, les empêcher de s'aimer, mais au contraire, donner à cet amour leur plénitude. Est-ce que l'Église est cependant consciente des problèmes sociologiques qui se posent, par suite de la surpopulation par exemple? Bien entendu, et c'est pour cela que le problème actuel de la régulation des naissances fait l'objet de l'étude d'un certain nombre de théologiens et d'hommes d'Église. C'est encore un problème que le Concile envisagera. C'était édition spéciale. Aujourd'hui, Vatican II, une série d'enquêtes de Pierre Delagarde. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1962. L'année 1962, notez bien, c'est l'année de la première apparition à la télévision du Marchand de sable et de ses amis, qui ne s'appellent pas encore Nicolas, Pimprenelle et Gros Nounours. Ils changeront de prénom, de surnom ou de petit nom plus tard. Mais s'agira-t-il des mêmes enfants ou animaux? Aux spécialistes, ils s'en trouvent certainement de répondre. Le 10 décembre 1962, quelques jours avant Noël, le voici donc, ce Marchand de sable. Vous alliez bientôt vous coucher, mais on vous a accordé l'autorisation de faire connaissance avec ces marionnettes et leur musique. Ensuite, huit. Bonne nuit les petits. Mais n'y a personne. Ben alors. Qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'on entend? Viens voir, viens voir Mirabelle. Viens regarder. Oh, qui est là? C'est une surprise. Qui es-tu? Je m'appelle Ulysse. Ulysse? Je suis le marchand de sable. Et l'ami de tous les enfants du monde. Oh, de tous les petits enfants? Des petits enfants noirs? Oui, des petits enfants noirs, des petits chinois, ouais. Comme des petits indiens. Ouais. Chaque soir, je survole la terre entière pour voir si tous les petits enfants vont sagement se coucher. Et en même temps, je sème mon sable. Oh. Et qu'est-ce qu'il fait ton sable, lui? Il donne envie aux petits enfants d'aller se coucher. Bonsoir, petit marchand de sable. Et vous, mes deux petits amis, comment vous appelez-vous? Eh ben, moi, je m'appelle Petit Louis. Et moi, Mirabelle. Petit Louis et Mirabelle. Oui, ça. Quel âge avez-vous? Moi, 5 ans. Moi, 4 ans. Est-ce que vous êtes bien sage? Oh, oui. Eh bien, si vous êtes toujours bien sage, je viendrai vous voir chaque soir. Et moi aussi. N'ayez pas peur, les enfants. Lui, c'est Gros Ours, mon fidèle compagnon. Il m'accompagne dans tous mes voyages. Et je suis le vieux copain de tous les enfants qui me connaissent bien. Tu es gros. Oui, je suis gros, mais je suis aussi très gentil. C'est moi qui emmène au lit les garnements qui ne veulent pas y aller. Oh, il se fait tard. Allons, au dodo. Et hop là, voilà. Au revoir, Gros Ours. Au revoir, au revoir. Voilà, ça y est, là. Une bonne chose de faite, là. Le vent me fait la cour, le vent me trousse et m'éparpille, le vent me souffle des discours. Pardi, c'est ennuyeux, ma fille, ça l'est bien plus encore, maman, car le grand vent est mon amant. Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, le vent partout me suit, le vent me presse et me bouscule, il pousse mes volets la nuit, pardi tu seras ridicule. De quoi, ma fille, a-t-on bien l'air en accouchant d'un courant d'air? Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. M'aime si fort que je dois ouvrir les fenêtres. Il ne veut plus coucher dehors et je crois qu'un enfant va naître. Fille, je m'en irai avant d'être la grand-mère du vent. Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. « Maman, mon fils est né ce soir, j'en suis restée toute meurtrie, n'ai pas eu le temps de le voir, il m'a laissé à ma folie, et le voici parti, maman, aux trousses de son père, le vent. Mes amours ne sont que du vent, est-ce aussi le vent que j'ai dans la tête? Puisque tu me fuis, mon enfant, je suivrai la tempête, je suivrai la tempête. France Culture, les années 60. En 1962, on meurt de vieillesse, de suicide, d'accident de voiture, comme chaque année. Le 1er novembre, la radio rend hommage à quelques célébrités disparues, philosophes, écrivains, actrices, avec le ton adéquat. Chaque année, il nous faut enregistrer de douloureux départs. 1962 en a sa part cruelle. De tous ces disparus, dirons-nous qu'ils sont morts? Non. Non, puisque notre propos est de vous faire entendre leur voix toute chaude encore du soleil de la vie. Alors, disons qu'ils sont simplement en voyage. Il faut bien avouer que la grande majorité des Français ne le connaissaient pas. Ils le découvrirent l'an dernier, le jour où on lui décerna le Grand Prix National des Lettres. C'est alors que les photographes popularisèrent sa longue barbe blanche et qu'il parut sur les écrans de la télévision. Ses yeux pétillants de fraîcheur et de bonté, sa merveilleuse simplicité, sa parole à l'accent champenois agissant comme un filtre, sa bonne humeur conquirent en 4 minutes 4 millions de spectateurs. Commentant un livre de Jacques Brosse, qu'il avait d'ailleurs préfacé, Gaston Bachelard, à propos du bazar d'objets, décrit par l'auteur dans son œuvre « Bazar d'objets », comprenant aussi bien d'ailleurs animaux, fleurs, oiseaux et plantes, s'écriait avec sa douce bonhomie. Voyez-vous, quand j'ai lu, j'appelle « Lire un objet » de Jacques Brosse, je dis « mon Dieu, il faut que je regarde, n'est-ce pas ?» Et je voudrais quitter la place Maubert pour aller tout de suite à la campagne, voir ce que vous avez vu. Mais alors, immédiatement, on voudrait lutter avec vous sur le talent de voir. A priori, on est battu, parce que un philosophe est battu, puisque le philosophe, ça ne voit rien, ça ne voit que ses pensées. Mais une fois que on prend des leçons dans votre livre, je crois qu'on connaît ce qu'est la métaphysique concrète, n'est-ce pas? L'Américain William Faulkner, fils d'un éleveur de chevaux, se recommandait, lui, de la terre. « Je suis un fermier, disait-il, je ne suis pas un écrivain. » Ce prix Nobel, 1950, n'en a pas moins publié 25 romans tirés à 1 million d'exemplaires, se déroulant dans un pays imaginaire, baptisé par l'auteur du nom indien de Yoknapatawpha County, situé quelque part entre le Mississippi et le Tennessee, et qui restituait à merveille la typique atmosphère des États sudistes. Il était le non-conformisme fait homme. Il détestait la popularité, les mondanités, les visites et les interviews l'agaçaient. Nous allons cependant l'interroger une dernière fois, voulez-vous? William Faulkner, de tous vos romans, quel est celui que vous préférez? C'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite. La Brute et la Fureur. On vous a comparé à Proust, que vous rappelez par les diverses manières de votre style. Ne pensez-vous pas que chaque sujet doit avoir son style particulier? Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain, simplement, traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé. On parle de l'univers de Faulkner, comme on parle de l'univers balzacien. Voulez-vous nous dire quel est cet univers? C'est le monde de tout écrivain. son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire. Il était la jeunesse, l'insolence de la jeunesse, son arrogance et son défi. Il était resté pareil à son hussard bleu, cynique et secrètement tendu. Roger Nimier, parlez-nous du hussard bleu. Je voudrais parler de deux points. Personnellement, moi, je croyais être très militariste, mais il est certain que le livre a un aspect assez anti-militariste. Je ne sais pas à quoi ça tient. C'est certainement pas de ma faute, en tout cas. Second point, on m'a reproché d'avoir employé beaucoup de gros mots. Je ne crois pas quand même avoir employé beaucoup de gros mots. Je crois surtout qu'on m'a reproché d'employer des gros mots que de vieilles personnes ne comprenaient pas toujours. Mais dans ce cas, ça devient très innocent. C'est comme des citations en grec. J'aurais peut-être dû mettre une traduction en note, c'est tout. Ce n'est pas très grave. Le dernier point touchera peut-être le caractère général du livre. Il est évident que ce n'est pas un livre très tragique et que les événements le sont. Je crois que nous avons eu beaucoup de livres qui parlaient de catastrophes sur catastrophes. Je pense à un livre que je n'ai pas lu, qui a paru récemment, je crois très bon, qui s'appelle « Le buisson de Vincendre » de Manès Sperber. Et c'est un titre symbolique qui est excellent, qui montre un petit peu ce que nombreux romans récents ont apporté comme atmosphère. Ce serait peut-être le contraire avec le hussard, ce sont les cendres sur lesquelles repousse un buisson. Et évidemment, il a peut-être de temps en temps mauvais goût, comme la dernière parole semble montrer. À la fin d'un de ses autres livres, Les enfants tristes, Nimier montrait Olivier, son héros, écœuré de son temps, incertain de toute vérité, roulant vers la mort à 130 à l'heure. Cette impuissance au bonheur, c'était Roger Nimier. Impuissance au bonheur que l'on retrouve chez Marilyn Monroe, qui, voici quelques mois, déclarait à la revue Life, avant de mettre fin à ses jours, « Je n'ai jamais eu l'habitude d'être heureuse et je n'ai jamais considéré le bonheur comme allant de soi. » Sa chanson « My heart belongs to Daddy »,« Mon cœur est à papa » est d'autant plus émouvante que Marilyn avait du cœur, mais pas de père, et que c'est un peu pour cela qu'elle est morte. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy. C'était les années 60, 1962, deuxième émission. Archivina Véronique Jolivet, Amélie Briand le Jeune, Hervé Evano. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre.